Oh, glaive promis par mon père, que trouverai-je à l'heure du danger? Mon ennemi me tient dans son repère, et lâchement s'apprête à se venger. Les yeux adorés d'une femme, du feu d'amour m'ont embrasé le cœur. Et celle qui de son regard vainqueur alluma cette ardente flamme, et au pouvoir un barbare inhumain qui tient ma vie en sa main. Else, oh, t'es ton glaive que mon bras redoutait, le brandisse sans trêve. Tu me laisses sans secours. Un éclair a jailli du frêne, qu'est-ce donc que je vois briller là-bas? D'où peut venir cette flamme soudaine? Mes yeux ne s'abusent-ils pas? Céleste clarté qui m'illumine l'âme, est-ce un rayon de tes yeux, chère femme, qui s'échappa de ton regard de feu, alors que tu m'as dit adieu? Thank you.